Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Puis quand on célèbre la messe, quand je célèbre la messe, on ouvre les portes de bronze à la fin de la célébration. Et depuis le cœur, je vois tout Paris, enfin je vois les toits de Paris, vous voyez, je vois Paris. Donc c'est l'amour du Christ qui est tourné vers la grande ville. Et c'est ça qu'il faut que nous fassions vivre. Le recteur de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, Monseigneur Jean Laverton, en octobre 2019, sur la chaîne KTO TV, ou KTO TV si vous préférez, une chaîne de télévision catholique qui diffuse en France, perchée sur les hauteurs de Montmartre, la basilique du Sacré-Cœur domine la ville et est assurément l'un des monuments les plus facilement visibles de la capitale. Lieu de recueillement et de culte important, la basilique du Sacré-Cœur est aussi devenue au fil du temps l'un des sites touristiques les plus visités de Paris. Elle culmine à presque 200 mètres au-dessus du plancher parisien. 91 mètres de haut, 85 de long. Bien sûr, c'est la basilique du Sacré-Cœur en haut de Montmartre. 11 millions de visiteurs se pressent chaque année sur la butte. De simples touristes en goguette à la recherche du charme montmartrois, profitant de la place du tertre toute proche, mais aussi les croyants du monde entier. L'art et le culte se côtoient quotidiennement. Moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est que même pendant les offices, les touristes passent. C'est d'ailleurs le lieu le plus visité de Paris après Notre-Dame de Paris. Donc actuellement, on peut dire que c'est le plus visité. Et pourtant, on arrive quand même à prier. On arrive en fait avec des gens qui, du monde entier, se déplacent pour ce lieu dans le respect, dans le silence. Donc c'est très beau, je trouve. Le commentaire d'un fidèle qui fréquente la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à la chaîne KTO TV en 2019. Et juste avant, vous entendiez un extrait de l'émission Visite privée diffusée sur France 2 en 2017. Pour nous raconter l'histoire du Sacré-Cœur de Montmartre, je reçois l'historien et amoureux de Paris, Éric Dussault, qui est également tuteur à la télé. Éric Dussault, bonjour. Bonjour, Jacques. Comment ça se compare, cette basilique? On la voit d'à peu près partout dans Paris. Comment se compare ce monument-là, le Sacré-Cœur, aux autres grands monuments emblématiques de la capitale? Ça se compare pas. C'est unique. En fait, il n'y a qu'un seul Sacré-Cœur et c'est celui qui existe. Et en plus, à part l'arc de triomphe de l'étoile qui est fait du même matériau, on pourra en reparler, j'imagine, eh bien, c'est assez unique, ce blanc, cette blancheur là, qu'on voit de très, très loin. Quand le ciel est bleu, le contraste est quand même assez frappant. Il y a bien sûr les 5 dômes qui impressionnent avec le campanile. Campanile à l'intérieur duquel se trouve la plus grosse cloche de France. Elle pèse près de 19 tonnes. Alors, vous voyez, et on l'appelle la Savoyarde parce qu'elle a été offerte par la Savoie dans le cadre de cette construction-là. Alors, on l'entendait tout à l'heure, il y avait un intervenant qui disait qu'on était à 188 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Oui. Alors, ça en fait le point le plus élevé de Paris, à partir duquel on a un rayon là, de 50 km où on peut voir. Donc, ça dépasse même l'agglomération parisienne. Donc, un point de vue extraordinaire quand on y est, quand on est sur l'esplanade devant la basilique. Puis on le disait, mais elle est visible aussi d'à peu près partout dans Paris. C'est le monument le plus visible de Paris. Tout à fait. Et à l'époque, il n'y a pas la Tour Eiffel. Quand je dis à l'époque, c'est-à-dire au moment de la construction. Donc, en 1875, quand ça commence à être construit, il n'y a pas la Tour Eiffel. Donc, il faut se mettre dans la tête des gens de l'époque. C'est vraiment imposant et ça change vraiment le point de vue qu'on a sur Paris. Alors, c'est important de resituer ça dans ce contexte. Ouais. Pour les gens qui se demanderaient en quoi est faite cette basilique-là, c'est de la pierre de soupe. Donc, ça provient de 80 km au sud de Paris. C'est une pierre qui, lorsqu'elle est au contact de l'eau, elle émet du calcin. Et ce calcin-là donne l'apparence particulière qu'on connaît au Sacré-Cœur. Donc, cette blancheur éternelle, en fait, elle se lave à la pluie, cette cathédrale, cette pierre-là. Effectivement, c'est en quelque sorte auto-nettoyant. On peut dire ça comme ça. Bon, parlons un petit peu du contexte dans lequel on décide de construire le Sacré-Cœur de Montmartre. Il n'est achevé, il faut le rappeler quand même, qu'au début du 20e siècle. On peut avoir l'impression que c'est plus vieux, que c'est plus ancien, mais c'est quand même pas si ancien comme monument. Ça commence quand, la construction, puis dans quel contexte on décide de construire la basilique Éric Dussault? Alors, la construction va se faire à partir de 1875, mais il y a ce qu'on appelle le vœu qui va être émis à partir de 1871-72. Il y a des gens qui vont commencer à s'intéresser à ça. Il y a entre autres Alexandre le Gentil et Hubert Rehaut de Fleury qui vont initier ce qu'on appelle le vœu. Oui. Et ce vœu-là, c'est qu'on est, je rappelle le contexte, on est dans une situation de guerre. la France et la Prusse, donc l'Allemagne, se sont livrés une guerre. Et à partir du moment où cette guerre-là vient à son terme, le 2 septembre 1870, l'empereur Napoléon III va capituler à Sedan, ce qui explique qu'à partir de ce moment-là, les Allemands vont entourer Paris. Alors, on se doute bien que les Parisiens ne sont pas très contents. Et à la tête de ce gouvernement français, à partir de ce moment-là, il va y avoir Adolphe Thiers, qui est un conservateur très proche des catholiques, très proche des royalistes. Et même si la République est proclamée, il n'en demeure pas moins que c'est une République sous, disons, influence très conservatrice. Ouais. Et à ce moment-là, lorsqu'il prend le pouvoir, il va y avoir vraiment des Parisiens qui sont majoritairement républicains et qui vont vouloir que Paris soit beaucoup plus autonome, que le pouvoir soit entre les mains du peuple et non pas entre les mains des autorités. Parce que depuis à peu près toujours, il n'y a pas de maire à Paris, c'est quelqu'un qui est nommé. Donc là, on voudrait que la direction de la ville soit entre les mains du peuple. Et c'est pour ça qu'on va aboutir à la Commune de Paris. La Commune de Paris, c'est une révolte. Mais avant d'y venir, parce qu'effectivement, il y a ce contexte de la Commune, on ne peut pas parler du Sacré-Cœur, de la construction du Sacré-Cœur, sans parler du contexte de la Commune. Mais juste un petit mot avant de venir à la Commune pour bien préciser les choses. Ce fameux vœu, puis il y a deux ou trois hommes qui sont derrière l'idée de construire la cathédrale, la basilique. Au départ, c'est vraiment la défaite contre l'Allemagne, contre la Prusse en 1870. Il faut se remettre dans cet état d'esprit-là. Ce monument qu'on veut construire, c'est un peu le symbole de... On a perdu, on vient de subir une défaite. Oui. C'est une façon... C'est très catholique, c'est très judéo-chrétien de se racheter. C'est un peu ça. On est en janvier 1871, donc l'armistice a été signé avec l'Allemagne. Et à ce moment-là, il y a deux individus, ceux que j'ai nommés tout à l'heure, Alexandre le Gentil et Hubert Rohaud de Fleury, qui vont émettre le souhait que soit construite une basilique en hommage au Sacré-Cœur pour expier les péchés qui auraient été commis durant le règne de Napoléon III, parce qu'on dit que les mœurs, Émile Zola en a beaucoup parlé dans ses romans, les mœurs sont dissolues. Donc, pour essayer d'expier ces péchés-là, on aurait besoin d'une basilique. Mais surtout, si la défaite française peut s'expliquer par quelque chose, c'est en raison de ce climat malsain-là. Donc, la basilique vise à rapprocher Dieu de la France et France de Dieu. Cette France pécheresse qui en étant pécheresse, a été punie par sa défaite devant l'Allemagne. On résume, là, mais c'est un petit peu ça l'idée. La Commune, justement, ben, on y revient dans un instant, Éric Dussault, tout de suite après ceci. Comme des rats dedans Paris par trahison, on nous a pris. Le macadam et les pavés de notre sang furent lavés. Montmartre était un des quartiers qui a déclaré la Commune libre. Donc, le fait de construire l'église ici, pour les Montmartrois, était un choix absolument horrible, inconcevable. À tel point que la basilique est encore considérée par certains comme une insulte à la mémoire des communards. Pour nous, le Sacré-Cœur représente effectivement ce dénigrement de la Commune, de toute la haine qu'on a ressentie contre ces gens qui ont lutté pour une vie meilleure. Tous les tiers, tous les bacs marrons pour se laver de leur affront. On voulut prendre la vanne de sang qu'ils ont pris en nous écorchant. Sur la chanson « La Communarde » composée en 1871, vous entendiez un extrait du journal télévisé de France 3, diffusé le 16 octobre 2019. On le disait il y a un instant, Éric Dussault, on ne peut pas faire l'histoire de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre sans parler de ce contexte de la Commune. Donc oui, la défaite devant la Prusse en 1870, bon, armistice en 1871, mais au fond, la Commune, c'est un peu la réponse à cette défaite-là. Oui, c'est la réponse des Parisiens qui n'acceptent pas le sort qui leur est réservé, que les Allemands donc occupent le territoire. Et c'est surtout une critique acerbe à l'égard des élites et de ceux qui sont au pouvoir, donc Adolphe Thiers notamment et ses proches. Je vais régler tout de suite une question sensible. La Commune de Paris survient après l'émission du vœu. Oui. Donc, c'est vrai qu'au départ, ceux qui disent, notamment actuellement les autorités derrière la basilique du Sacré-Cœur, disent que ça n'a rien à voir avec la Commune. C'est vrai qu'en 1871, lorsque le vœu est émis, la Commune n'a pas eu lieu encore. Oui. Toutefois, donc, la volonté de construire est déjà là. Est déjà là. Par contre, lorsque la Commune survient, et qu'en plus, l'archevêque de Paris, à ce moment-là, va être assassiné, eh bien, c'est certain que là, ça prend une toute autre tournure. Donc, au départ, ça n'a rien à voir avec la Commune, mais à partir du moment où il y a la Commune, ça débute le 17 mars 1871, le Conseil des ministres d'Adolphe Thiers, qui sait que les Parisiens sont de plus en plus républicains et qui veulent de plus en plus d'autonomie, risque peut-être de s'emparer de canons qui sont sur la butte Montmartre. Alors, on va prendre possession des 227 canons de Montmartre, en tout cas, on va essayer, et là, il va y avoir des combats vraiment violents, virulents, entre les communards, donc ceux qui se révoltent, qui veulent créer leur propre république, leur propre gouvernement autonome, et les troupes d'Adolphe Thiers. Et ça, ça va nous amener au 21 mai. 1871, à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la semaine sanglante. Il va y avoir des combats d'une violence inouïe, il n'y a rien de comparable au 19e siècle que ça. Et c'est là que Mgr Darbois, dont je parlais tout à l'heure, va être un otage des communards, il va être assassiné. Mais là, Thiers va se venger, puisqu'il va prendre 147 communards, qu'on appelle aussi des fédérés. Pourquoi? Parce qu'ils vont se réfugier dans le cimetière du Père-Lachaise, et il y a un mur en particulier de ce cimetière-là qui va être utilisé pour fusiller 147 communards. C'est ce qu'on appelle le mur des fédérés. Et à chaque année, on rend hommage à ces morts-là et on va les jeter dans une fosse commune. Là, j'ai résumé très succinctement, mais je comprends qu'au fond, comme cet évêque, l'archevêque de Paris est tué par des communards, il y a ce projet qui est celui de construire la basilique, incarne un peu, au fond, vous me corrigerez, mais l'opposition entre les autorités, l'Église et les communards, ce qui veulent libérer Paris, qui veulent plus de démocratie dans Paris. C'est exactement ça. Et la Commune, c'est 72 jours pendant lesquels le peuple a pu décider par lui-même de ce qu'il voulait. Ouais. Donc, c'est le culte de l'ouvrier. Il faut se rappeler que le socialisme et l'anarchisme sont très en vogue à ce moment-là. Il y a des figures intellectuelles, artistiques qui sont derrière ces mouvements-là. Donc, ça rayonne, la gauche rayonne. Et là, la droite catholique et conservatrice est très pro-régime monarchiste, eh bien, va réagir en matant cette rébellion-là. D'où l'insulte, quand on entendait dans l'extrait du reportage, au fond, cet édifice, ce monument-là, pour les communards, puis ça va se poursuivre, ça, dans le temps, incarne, représente cette répression de la Commune. Oui, ouais. Et la haine de la République, puisque c'est, dans le fond, la démocratie qui veut se faire valoir, et puis on la mate. Parlons un petit peu du lieu. Ce lieu, on en a parlé dès le départ, il est visible à peu près partout dans Paris, la basilique du Sacré-Cœur. De là, on a un point de vue sur à peu près tout Paris aussi. Mais c'est plus que ça. Ce n'est pas un hasard qu'on construise cette basilique-là sur les hauteurs de Montmartre. Pourquoi on décide de choisir ce lieu-là précisément? Parce que depuis au moins le 14e siècle, c'est un lieu de pèlerinage. Pourquoi? Parce que ce serait là que les premiers chrétiens, et notamment Saint-Denis, seraient morts en martyr. C'est pour ça qu'on l'appelle le Mont des martyrs. Ouais. Ensuite de ça, il y a une chapelle qui va être érigée autour de 475 après Jésus-Christ. C'est Sainte-Geneviève qui va recommander la construction de cette chapelle-là. On dit aussi que la crypte, l'ancienne crypte, aurait été sanctifiée par Saint-Denis. En tout cas, il y a vraiment plusieurs choses qui se déroulent là. Il y a une chapelle qui va être construite, il y a une abbaye qui va être construite par les sœurs bénédictines, ce qui en fait un lieu de pèlerinage depuis toujours. Ouais. Ce qui va être particulier, c'est qu'à la fin du 19e siècle, l'Église catholique française cherche une façon de se renouveler et c'est le Sacré-Cœur qui va devenir le nouvel objet du culte. Mais il faut savoir que lorsqu'on se rend sur la butte Montmartre, qu'on est un catholique et qu'on se rend là, on n'est vraiment pas les premiers à s'y rendre à la fin du 19e siècle. Ça fait déjà plusieurs centaines d'années que c'est comme ça. Donc, il y a vraiment une symbolique très forte avec Saint-Denis, lorsqu'on sait comment Saint-Denis est important dans l'histoire de Paris. Une tradition. Une tradition. Ouais. Mais c'est donc un symbole à la fois politique, on l'a dit, mais un symbole religieux très fort et qui est en lien avec le pardon. On a toujours voulu se faire pardonner ses péchés en se rendant là. Oui. C'est pas rien, ce monument-là. Ça, j'imagine que comme chantier, ça a dû être assez impressionnant aussi. Parlons un petit peu de ça. Parlons peut-être d'abord de ce que ça a voulu dire comme exercice, le financement à la fin du 19e siècle de pareils monuments, Éric Dussault. Oui. Bien, premièrement, il faut parler du fait qu'elle a été déterminée considérée comme étant reconnue d'utilité publique, cette basilique-là. C'est-à-dire que l'archevêque de Paris, pas celui qu'on a égorgé, mais l'autre, le nouvel archevêque de Paris, va décider de faire construire ce Sacré-Cœur-là sur des terres qui sont en partie propriété de l'État. Donc, en demandant à l'Assemblée nationale d'adopter cette loi d'utilité publique, ça permet à l'Église de contrecarrer le projet d'une institution militaire qui devait être construite là, ce qui n'aurait pas été une bonne idée dans le contexte de l'époque. Et là, on décide de construire l'Église d'une façon qui va faciliter les choses. En fait, c'est que l'Église va pouvoir accéder au terrain plus facilement, à moindre coût, et en plus exproprier les occupants qui sont dans le secteur. Ça, c'est la première chose. Donc, elle est reconnue d'utilité publique par l'Assemblée nationale de France. Ouais. Ensuite, il va falloir, puisqu'on est orgueilleux un peu, on va la construire sans la demande de l'État. Je vous rappelle que la séparation entre l'Église et l'État, c'est 1905. Oui. Hein, on n'est pas loin de ça. Donc, on va demander aux donateurs privés, aux familles, aux militaires, aux députés, aux clergés, de mettre la main à la poche. Et on va réussir à accumuler pas moins de 40 millions de francs, petit à petit. Et on va arriver à construire cette énorme basilique-là avec un chantier d'une complexité incroyable. Mais tout ça, c'est quand même impressionnant, là. Absolument. C'est du socio-financement avant le temps, si vous me permettez l'expression. Et une des choses qui a remporté beaucoup de succès, c'est le fait qu'on pouvait acheter une pierre et mettre son nom ou le nom de sa famille dessus. Donc, c'est un peu, finalement, la philanthropie avant la philanthropie. Et ça va ressembler à quoi, la construction de ce monument imposant? La construction de ce monument-là, c'est un chantier phénoménal parce que lorsqu'on a commencé à travailler, on s'est rendu compte que il y avait eu il y avait une carrière de plâtre qui avait été donc largement utilisée et ça faisait en sorte que le lieu était inconstructible. Il a donc fallu qu'on crée une fondation de pilotis. Il y en avait 83 puits qui ont été creusés à 43 mètres de profondeur. À l'intérieur, on a mis du béton. Et c'est là-dessus qu'on a construit la basilique. Donc, ne serait-ce que ça, c'était beaucoup plus complexe que ce à quoi on s'attendait. Ensuite de ça, il a fallu faire travailler tout ce monde-là beaucoup plus fort. Évidemment, ça demandait plus de force de travail. Donc, un travail plus coûteux, plus long que prévu. Puis, le contexte de la commune a nui à la construction directement parce qu'il y a des gens qui voulaient s'attaquer à cette construction-là. Il y a, entre autres, le Club de la Dynamite, dont parle John Merriman, un historien important du 19e siècle en France, qui nous explique que Émile Henry et d'autres anarchistes ont eu des projets en 1892-93 de faire sauter la basilique. Donc, on l'a construit, mais en même temps, elle est toujours menacée d'être d'exploser, finalement. Alors ça, c'est une des choses qui explique sa complexité. Et puis, il y a le fait que ça prendra 6 architectes pour en venir à bout de la construction, puisque ça va aboutir en 1919 avec la consécration officielle. Mais parlons-en de cette date-là, de 1919, parce que c'est à ce moment-là, effectivement, qu'elle est officiellement consacrée, cette basilique. Quand on se rappelle du contexte dans lequel on décide de la construire, une défaite contre les Allemands, on ne peut pas s'empêcher, enfin, de sourire, parce que 1919, c'est juste au lendemain d'une victoire contre les Allemands. Exactement. Donc là, la France récupère l'Alsace et la Lorraine qu'elle avait perdues en 1871 avec la signature de l'armistice. Donc la première ironie. Et ensuite de ça, évidemment, là, c'est la France glorieuse qui est toute heureuse de voir cette basilique consacrée officiellement, non pas sur la honte, comme c'était prévu en 1871, 75 avec le début de la construction. Mais là, c'est vraiment la France victorieuse. Alors, moi, j'y vois une ironie extraordinaire quand même. On parlait de l'architecture parce qu'on ne peut pas passer à côté de cette basilique. Vous nous disiez qu'il y a quelques architectes qui ont planché là-dessus. Faut dire tout de suite que c'est pas... On va être poli, ça n'a pas fait l'unanimité dans le monde des historiens de l'art et des architectes, cette construction, ce Sacré-Cœur de Montmartre. On écoute d'abord le recteur de la basilique, Mgr Jean Laverton, parler de cette beauté, selon lui, à l'émission Des racines et des ailes en mars 2015, puis on reviendra sur ce que ça a provoqué comme débat par la suite. C'est très curieux, voyez, parce qu'au 19e siècle, on construisait beaucoup d'églises en néo. Néo-gothique, néo-roman, il y en a partout dans toute la France. Et alors ici, assez rare, c'est romano-byzantin, un mélange de roman et de byzantin. Donc ça donne ce style extraordinaire, un peu unique, maintenant qui est bien connu dans Paris. Enfin, qui a des formes assez étonnantes, avec toutes ces grandes coupoles en particulier. Alors, Mgr Laverton, évidemment, il est enthousiaste devant ce Sacré-Cœur. Ça n'a pas été le cas de tout le monde et de tous les architectes, Éric Dussault. Bien, pour toutes sortes de raisons, ça a été détesté pendant trois quarts de siècle, hein, oui. Pour la représentation politique dont on a beaucoup parlé. Donc, par la population en partie. Par la population, mais par les architectes. Oui. En fait, c'est vu comme un pastiche du vrai style oriental qu'on peut retrouver sur place en Orient. Mais attention, là, c'est pas un deux de pique, si vous me permettez l'expression. Paul Abadie qui a été choisi. Il y avait 78 projets et c'est le sien qui a été retenu. Et au moment où on retient ses services, il a quand même été architecte diocésain dans le sud-ouest de la France depuis 25 ans. En plus, il a contribué comme inspecteur à la restauration de Notre-Dame de Paris sous les ordres de Viollet-le-Duc. Oui. Ce n'est quand même pas rien. C'est donc un solide architecte dans ce secteur d'activité-là, dans le secteur public, dans le secteur religieux, qui est reconnu. Par contre, étant donné la complexité du chantier, ça prendra 30 ans après sa mort pour que ce soit complété. Oui. Donc, il y a 6 architectes. Ça vous fait peut-être penser à Gaudi avec Sagrada Familia. Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est un 6e architecte qui va venir à bout de la construction et avec l'inauguration en 1919. Mais ce style-là, donc, est très critiqué, très, très, très critiqué, mais un peu comme la Tour Eiffel, qui l'a été en son temps, finalement, on va s'habituer à sa présence. Mm-hmm. Et puis, il faut bien admettre que Paris, sans le Sacré-Cœur de Montmartre, ce ne serait plus tout à fait Paris. Maintenant, on s'y est habitué. Mais je rappelle que la masse, c'est quelque chose qui a été déposé là, sans référence au contexte qui l'entoure. On dirait presque un ovni qui a laissé ça là. Mm-hmm. C'est un message qui est envoyé quand même par Paul Abadie. C'est l'Église catholique qui prend sa place sur cette butte-là, et pas n'importe comment, avec 5 coupoles, un campanile, la plus grosse cloche de France. C'est massif. C'est gros, ce n'est pas subtil. Et cette volonté d'établir très clairement la place, la présence de l'Église catholique au cœur de Paris, elle est encore là. On termine là-dessus, Éric Dussault, puis on boucle un peu la boucle avec les extraits sonores qu'on entendait au début de l'émission, mais ça reste un lieu de culte pour les catholiques très, très important. Et puis, un emblème de Paris avec tout ce que ça veut dire de touriste. Tout à fait. Alors, on continue à prier pour l'Église et pour le monde. C'est l'adoration eucharistique qui est vraiment au cœur du Sacré-Cœur de Montmartre. Donc, depuis 1885, le Saint-Sacrement est exposé en permanence. Et ça, c'est au cœur de la vie catholique française. Il y a 4 messes quotidiennes qui sont offertes, 7 heures de confession. Ça veut donc dire que c'est une expérience de miséricorde, encore et toujours, la raison pour laquelle on se rend à la basilique. Et on est 10 à 11 millions par année à le faire. De touristes surtout, évidemment. Oui, de touristes surtout. Dans ce cas-là. Éric Dussault, c'était passionnant, historien, tuteur à la TELUC. Merci beaucoup, Éric. Plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande, à la technique aujourd'hui Pierre Lévesque. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. C'est Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.